Brie-sur-le-Vif. Écoutez. Marie, ferme la porte, s'il te plaît. Un instant, papa, j'écoute un disque. Non, tout de suite, et apporte-moi mon journal. Répétez. Marie, ferme la porte, s'il te plaît. Un instant, papa, j'écoute un disque. Non, tout de suite, et apporte-moi mon journal. Écoutez. Salut, Paul. Te voilà. Je suis crevé. Donne-moi vite une bière. Tu n'as pas faim? Oh, si. Préparons-nous un bon plat de spaghettis. Ça va? Répétez. Salut, Paul. Te voilà. Je suis crevé. Donne-moi vite une bière. Tu n'as pas faim? Oh, si. Préparons-nous un bon plat de spaghettis. Ça va? Écoutez. Alors, d'accord. Vous venez chez moi lundi soir? Qu'apportons-nous? Pierre et Jacques, amenez une tarte. Jeanne, apporte des fruits. Et moi? Tu peux acheter des glaces? Oui. Et qui peut apporter une bouteille de champagne? Moi, je l'apporte. Répétez. Alors, d'accord. Vous venez chez moi lundi soir? Qu'apportons-nous? Pierre et Jacques, amenez une tarte. Jeanne, apporte des fruits. Et moi? Tu peux acheter des glaces? Oui. Et qui peut apporter une bouteille de champagne? Moi, je l'apporte.